Tu l'es plus dans la nuit, ça sort d'une ancienne âge. Tu n'es pas destiné, tu n'es qu'à pas pour moi. Tu fuis tous les connards qui avancent leur roi. Tu les font respecter, à grand coup de matraque. Tu fais partie d'une race qui sort du néant. Tu ne fais qu'enculer tous les potes qui brûlent. Tu sortiras du cauchemar et tu feras ton calme. Tu feras ton quartier le plus joli de Pradois. Tu l'écriras ton nom pour créer ta légende. Pour sortir de la crasse, pour dire à tout le monde tes ennuis, tes emmerdes, la révolte, ton amour, les gens que tu détestes et ceux que tu approuves. Un jour tu leur diras, mais cette fois-ci le vent, qu'ils ne sont que des rats. Et quand tu les enterres, tu leur feras comprendre que ce sont des croulants. Quand ils montent de pas dur, et tu leur diras trop. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh